Alison, beauté, ma beauté d'Alison. Alison, beauté, ma beauté d'Alison. Ta volupté, mon cœur, me fait souffrir le malheur. Mais à la boum de Roger, je t'emmènerai danser, t'embrasser, te toucher. Alison, beauté, ma beauté d'Alison. Alison, beauté, ma beauté d'Alison. Ta volupté, mon cœur, me fait souffrir le malheur. Mais à la boum de Jean-Jacques, je t'emmènerai danser, t'embrasser, te gifler. Alison, beauté, ma beauté d'Alison. Alison, beauté, ma beauté d'Alison. Beauté.